sorti yo du ciné. Mete cosa ta sous côté. Ha! Jabe! Cavalier numéro 1, cavalier numéro 3, prenne pas wow pour les promenades des demoiselles, s'il vous plaît. Jabe! Babo! Vire! Money.